Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une queue d'éléphant. Vous savez, les poils ont la réputation de porter bonheur et on en fait des bracelets avec ces poils de queue d'éléphant. J'ai quelques curiosités comme ça. Oh, beaucoup d'objets précolombiens là, qui viennent tous de Costa Rica. Ça, c'est la représentation des chamans. Alors, il n'est pas en train de jouer de la flûte. Hein. Il tient là sans doute une sorte de cigare. Il souffle de la fumée, donc pour exorciser, ça peut être une maladie ou bien quelqu'un qui a des problèmes. Et cette bouteille-là, c'est quoi, c'est quoi? Alors ça vient de Chine. C'est une liqueur de lézard. Donc, une liqueur de lézard? Il y a un lézard à l'intérieur, oui, il y a un lézard. Et puis alors oui, le crapaud. Le crapaud chez les magiciens, chez les sorciers, donc c'est un personnage important parce que le crapaud, on le retrouve associé à la sorcellerie depuis la nuit des temps. Et en particulier, ce crapaud-là, c'est un crapaud empaillé qui vient d'Amérique centrale, un crapaud buffle. Et ici, il y a deux glandes qui contiennent du venin. Le crapaud peut s'en servir comme défense. Il peut projeter deux jets de venin comme ça. Si c'est dans les yeux, ça peut brûler les yeux. Ah, le venin est desséché, mais il est toujours actif. Mais alors, le sorcier peut lécher donc l'écoulement, le venin qui suinte. Si on ne lui fait pas de mal, il est totalement inoffensif. Hein. Il peut même s'apprivoiser facilement. Il y a des gens qui apprivoisent des crapauds comme ça, qui leur donnent un nom, qui les appellent, ils viennent manger dans la main. Et donc le sorcier, lui, lèche le venin qui suinte et c'est un hallucinogène. Quoi. Parce que le venin contient de la sérotonine qui est un hallucinogène. Donc il transporte dans un autre monde. Et en Europe, on l'utilisait pour jeter un sort. Et on représente assez souvent dans les gravures anciennes, dans les livres de sorcellerie, les gravures anciennes même de Bruegel ou de Bosch, qui font, on voit le crapaud avec un cadenas comme ça. Si on voulait jeter un sort à quelqu'un, par exemple, le sorcier écrivait le nom de la personne sur un petit morceau de parchemin et faisait avaler ça au crapaud. Il lui faisait avaler aussi, par exemple, des cheveux de la personne, des petits morceaux de vêtements. Et pour pas qu'il recrache, on lui fermait la bouche avec un petit cadenas ou alors en cousant la bouche, c'est assez affreux. Et on enterrait le crapaud devant le seuil où habitait la personne à qui on voulait jeter un sort. On attribuait toutes sortes de pouvoirs. Ces crapauds-là peuvent vivre quand même une cinquantaine d'années. C'est un animal presque indestructible, donc il n'a aucun prédateur. Et puis donc, selon la température, c'est comme le crocodile aussi, il peut naître par exemple que des mâles selon la température ou que des femelles, mais ça ne pose pas de problème parce qu'ils peuvent changer de sexe à volonté, donc ils sont hermaphrodites. Pas étonnant que ce soit un animal lié vraiment à la magie, à la sorcellerie depuis toujours, quoi. Et quand je voyage, je ramène comme ça des objets de... Ah bah tiens, voilà justement un objet de magie traditionnelle. Hein. Ouais, merci de me faire signe. Dans l'Himalaya, quand vous baladez, quand vous passez près de temples bouddhistes tibétains, vous allez entendre partout le son de ces clochettes-là, quoi. Ce son pur, là, éloigne les mauvais esprits, attire les bons esprits. Et donc, on s'en sert, moi je m'en sers aussi, quelquefois, dans des spectacles. Par exemple, une personne choisit une carte. Et puis donc, on interroge la clochette, on lui demande est-ce que c'est une carte rouge, une carte noire. Donc, elle répond, puis elle indique donc la carte qui a été choisie. Ça, c'est des trucs d'illusionnisme, quoi. Mais elle est capable, c'est-à-dire vous entendez un son et vous savez que ça va être... Donc, moi, je ne peux pas révéler les trucs d'illusionnisme, parce que là, on prête le serment du secret chez les magiciens. Bon, il y a des choses, bien sûr, qu'on peut révéler, des choses toutes simples, mais la magie, le plaisir de la magie, c'est aussi du mystère, quoi. Moi, je suis illusionniste d'abord, quoi. Je suis d'abord un magicien, quoi, hein, qui fait de la magie blanche, qu'on appelle la magie blanche. C'est la magie qui ne fait de mal à personne, ce qu'on appelle magie noire. Bon, c'est des pratiques qui peuvent être dommageables, qui peuvent utiliser aussi des poisons ou toutes sortes de techniques pour terroriser et impressionner les gens. La Bretagne, quand j'étais gamin, à la fin de la guerre et après la guerre, baignait vraiment encore beaucoup là-dedans, quoi. Hein, J'ai été attiré par ça et quand j'ai été adolescent, bah, j'ai rencontré des gens qu'on appelait sorciers et puis qui m'ont montré certaines choses aussi, quoi, certaines pratiques. Et moi, ça m'intéressait, quoi. Et puis en même temps aussi, j'avais envie justement d'aller rencontrer les sorciers, les féticheurs en Afrique noire, et d'aller en Inde, d'aller en Chine. J'ai jamais eu de problème, moi, avec les sorciers en Afrique noire ou bien en Amazonie. Jamais, jamais eu de problème. Et les sorciers, ils m'ont toujours accepté comme un délire. Oh, pardon. Allô ? Salut, mais... Ouais, ça va, ouais, très bien. Vas-y. Oui, parce qu'il a même... Certains volumes ont même été réédités. Ah, les anciens, ben, moi, je les ai déjà vendus. Ouais. Alors, De Cramp a publié 5 volumes à partir de 1784. D'abord, La magie blanche dévoilée, c'est le premier. Le deuxième, c'est le supplément La magie blanche dévoilée. Le troisième, c'est le testament de Jérôme Sharpe, qui est le plus important. Ah, c'est le plus important de tous les livres qu'il a écrit. Là, vraiment, là, il explique les techniques. Et puis ensuite, il a publié le codicille au testament de Jérôme Sharpe. Et puis le cinquième volume, c'est les petites aventures de Jérôme Sharpe, mais qui est plus de l'historiette. Mais le livre le plus important de De Cramp, c'est le testament de Jérôme Sharpe. De quelle année? Ouais, ouais, 1784-85. Mais il a été publié d'abord, la première édition, en 1784. Ouais. Et combien ils vendent ça? 700 euros. Ben, je trouve que c'est quand même beaucoup trop cher. Hein? Ah oui. Non, c'est... Parce que ce n'est pas un livre rare, hein. Et puis c'est parce que De Cramp a écrit de mieux. Hein. Le mieux, c'est le testament. Ça, si tu le trouves, celui-là vaut le coup. Hein. Oui, celui-là. Attends, lequel qu'est-ce que je t'ai... L'art de tricher à tous les jeux. Oui. Ben, le plus important, je dirais que c'est les... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, puisque c'est qui est publié sous différents titres, les bouquins de Robert Houdin, quoi. Hein. Les secrets, quoi, hein. Je sais plus, révélation. Ouais, ben voilà. D'accord. Allez, salut, à bientôt, un de ces jours. Ça, c'est plutôt utilisé au spectacle, ouais. Autrement, bon, il y a des choses partout. Hein. Ça, par exemple, attendez. Là. C'est un sablier. Ça, c'est cool. On va essayer d'arrêter le temps. Voilà. Demandez-lui de repartir. On repart. C'est bien pouvoir arrêter le temps comme ça. Voilà.